Donc le sang, il se l'a transmis dans l'enfer. Allez. Ça, quand on dit ça, on a rappelé du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le musulman, le mu'min, le nafs du mu'min, tu vois, la roh du mu'min, quand elle décède, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Dépêchez-vous, amenez-moi à votre demeure éternelle. Parce que le hijab, ça y est, il est retiré. Et il voit ce que Rasulallah lui a réservé. Mais Inch'Allah, c'est ce qu'on pense de Cheikh Al-Albani. Inch'Allah. Enfin, il est mort maintenant. Et mais à mon avis, il a dû recommander avant de mourir. Il a dit, si je meurs, il faut faire ça, c'est vite possible. Il n'y a pas de me laisser dans le frigide. C'est comme ça. Il m'a mis dans une langue ou dans le ciel, parce que le corps, surtout dans les pays chauds, ça se détériore rapidement. Encore quand il fait chaud, ça se détériore rapidement. Alors tu dois le mettre dans la mort, dans le congélateur, pour que le corps, il commence à deviner, ils vont attendre que les gens viennent le voir. Il n'y a pas ça dans la sunna. La sunna, la personne, elle est morte. Allez, on est sûr qu'elle est morte, ça y est, c'est pas une crise ou la crise. On l'a, donc c'est un entrée et puis on l'enterre. C'est ça la somme du prophète. Ah, c'est les gens quand ils veulent faire ça, ils veulent venir dire des bonnes paroles à la famille. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a 3 jours pour le faire. Après 3 jours, c'est fini. Chacun, il fait sa vie. Il est mort maintenant. Il a la roche taïba, Inch'Allah. Rahimahullah, rahmatan wasi'a, Inch'Allah. Lui, il a œuvré, il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'on vous dit accrochez-vous les frères? Accrochez-vous! Il a laissé des livres, il a laissé des cassettes, il a laissé une génération, il a laissé des professeurs, des élèves. Et il a laissé quelque chose. Il a même eu les morts, son livre, il est toujours ouvert. Son livre de Hassanatik. Toi, t'es ici, t'es en train de parler du livre de Khatal al-Bani, puis lui, il est mort, et puis après Hassanatik. Quand je vous dis apprenez pour laisser quelque chose après votre mort. Pour laisser quelque chose. Vous même si la sunna comme Hassana, celui qui fait une bonne action et qui la laisse, et quelqu'un limite dans cette bonne action-là, il en sera récompensé. Toi, tu meurs et tu es récompensé. C'est pour ça qu'il faut, s'approcher. Il faut s'approcher. Là, on perd du temps, en fait. Tout le temps, on perd du temps. Tout le temps, on dit la même chose. Pour mettre en application. Et ça se met à la mettre à la perte des ulama. La perte du ulama, c'est mis à la mettre à ça fait partie de la fin du temps. Regarde, déjà, un des grands signes de la. Pas un grand signe, mais un des signes qui. C'est ce qui se passe là. Il y a à la mettre sur ou à la mettre sur bras. À la mettre sur bras, ce sont les petits signes. C'est la fin du temps. Et après, il y a Alamat al-Kubra. Alamat al-Kubra, on les vit. Ça y est, on les vit, on est dedans. Tous les petits signes, on les vit. Après, s'il y a Alamat al-Kubra. Alamat al-Kubra. Il y a d'autres ulama, ils ont fait un sharaf intermédiaire. Ils ont dit Alamat al-Wusta aussi. Les signes intermédiaires entre Al-Kubra et Al-Kubra. Tu vois ? Là, on est en train de passer dans la transaction de Alamat al-Wusta. Et on arrive à la fin de Alamat al-Wusta. On arrive à la fin. Et on arrive au début de Alamat al-Kubra, on arrive au début donc des grands signes de la fin du temps. Je vais donner un des grands signes de la fin du temps, mais par l'Al-Adwab, tu vois. Qu'est-ce que vous avez dit ? L'augmentation du tremblement de terre. En Turquie. 15 jours après la Grèce. 15 jours après, c'est revenu en Turquie. Il n'y a pas longtemps, Taïwan, avec plus de 2 500 morts. Il s'est pas fini encore. Il est revenu en Turquie. Il s'est revenu en Turquie. J'ai pas entendu le film. Et combien de. Les États-Unis, Entre-temps, il y a un autre chiffre qu'on appelle chiffre Khaled al-Ouk. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Il a fait beaucoup de livres sur l'Aqida, beaucoup de livres sur l'Image, Allah. Il y a pas mal de livres. Khaled al-Ouk, il est en Syrie. C'est un Syrien. C'est le film Menhej, Masha'Allah. Et ça fait quand même temps, pendant les vacances, il est mort. C'était au mois d'août. Et là maintenant, Cheikh l'Albani. Avant ces deux-là, il y avait un Cheikh, on appelle Cheikh. Il s'appelait Cheikh Saïd El-Boustani. C'est aussi un grand Cheikh en Syrie. Il est décédé aussi. Celui qu'on connaissait là-bas, il faisait l'Aqida Tahawiyya, Cheikh l'Aqida Tahawiyya. Il a laissé des livres aussi, il a laissé pas mal de choses, machallah. Ah, les ulama, ils s'en vont comme ça. Tout ça, je peux s'accrocher. Donc, on disait, pour revenir vite fait, alors la femme du musulman, ça parle vers la part. Elle a plusieurs explications sur l'oral arabia, dans la langue arabe. Ou tu vas la traduire par dans, ou tu vas la traduire par sur. C'est un point très très important. Ou tu vas la traduire par dans, ou tu vas la traduire par sur. Quand est-ce que tu vas la traduire maintenant par dans, et quand est-ce que tu vas la traduire par sur? C'est quand je vous dis, apprenez la langue arabe, vous allez voir que la langue arabe va vous ouvrir des portes qui étaient fermées pour comprendre le Coran et pour comprendre le hadith. Parce que quand tu vas vers Fissana, si tu n'as pas la langue arabe, tu vas traduire automatiquement et ça je le sais dans le ciel. Et ça justement c'est la traduction que tout le monde en général, la plupart, pas dire tout le monde, mais la plupart traduit dans le ciel. En bas c'est faux. Quand on parle de Fissana pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire sûr. Mais quand, je te laisse pas faire le hakim, mais quand tu traduis Fissana pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le ciel. Un exemple, les oiseaux volent dans le ciel. La terre, al-hamam, Fissana. L'oiseau vole dans le ciel et non pas sur le ciel. Il faut bien que vous compreniez cette annotation. Si, quand elle est introduite avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sur, au-dessus de. Mais quand c'est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire dans. D'accord? Alors ici, quand il traduit Fissana, où est Dieu? Il est sur le ciel. Assis sur le trône. Bien sûr, ça peut vouloir dire aussi au-dessus. Mais là, ce qui nous dérange, c'est sur le assis. Jamais quelqu'un a traduit par l'Istiwa et le Julus. Si ça avait été le Julus, on aurait dit assis. Mais là, non. L'Istiwa de Mana Ista'ala, c'est élevé. Au-dessus de. Donc c'est pour ça que même quand on se dit établir, c'est la condition qu'on trouve dans le Mertrap qui a été corrigé par l'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que tout ce qui est mis à l'intérieur, comme traduction, je dis, ou comme essai de traduction, ce sont que des essais, ça soit juste. La traduction la plus appropriée pour l'Istiwa, c'est s'élever au-dessus de. On sait que Allah s'est élevé au-dessus de Fawqa makhluqatihi kullaha. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Ou l'arche, le trône de l'arche. C'est une création ou là là? Donc si c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est automatiquement au-dessus. Et on a dit kullu ma siwallah fawqa makhluq. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, fawqa makhluq. Il faut toujours revenir dessus. Mais on peut très bien se dire que ça se dit oui, mais tout. Qu'il dit que si c'est en dehors d'Allah, son pareil, makhluk, alors le Coran, le makhluk alors. Le Coran, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Coran, c'est kalamullah, ou al-kalam, tifa, ou tifa, d'accord, kalamullah, c'est quoi? C'est une qualité, c'est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un fait, je le makhluk. Pourquoi? Parce que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre bête. Tout ce sont des points de rappel qu'il faut connaître et on revient tout dessus. C'est bon. Ça, c'est un rappel. C'est un rappel. D'accord, les frères? Il y avait ça, sinon il y avait aussi une autre faute que j'avais vue. Bête, c'est l'essence. On va traduire par l'essence. Parce qu'on ne peut pas dire, le corps. Le corps est approprié que pour le bachar. Donc, ça reste envers la souffrance, on dira bête. Mais bien sûr, même si on se permet de dire le corps, on sait une chose que ce ne sera pas un corps comme un corps du genre humain. Parce que là, ça va en passer dans le Coran, là, il fait qu'il nous fait une chèque. Donc, si on accepte de parler de la main, si on accepte de parler du visage, si on accepte de parler de la jambe, on peut accepter de parler du corps, sachant très bien que ce n'est pas un corps comme le nôtre. Subhanallah. Bon, la règle est toujours la même. Une fois que tu connais la règle, tu peux l'approprier partout. Allah subhanahu wa parlé de main. Allah il a parlé de visage. Allah il a parlé de yeux. Allah il a parlé de jambes. Tu vois? Non, c'est une chose, c'est que ces choses-là ne ressemblent pas aux nôtres. Comme tu as dit dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala avec nous des Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana des ilmihi. Il est fort avec nous des dhatihi, avec son essence. Allah subhanahu wa ta'ala actuellement il est avec nous des ilmihi, avec sa science. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous entend. Il est présent parmi nous avec sa science. Et non pas avec son essence. D'accord? C'est aussi pour la même. Il y a des fois des gens ils vont. Pourquoi ils font des interprétations? Pourquoi ils font des interprétations? Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir, ils n'arrivent pas à accepter que par exemple quand il y a un hadith où le prophète alayhi salam alayhi salam, et ce hadith là il est sahih, quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala j'ai le vélo, il a sa main d'une et c'est le akhir al-layl, dans le fermeture de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il descend dans sa dunya, celui qui a appelé Allah subhanahu wa ta'ala là il exauce, celui qui demande le pardon là il le pardonne, celui qui, il a akhir al-hadith. Mais là ils ont interprété, ils ont dit, mais alors attends, si le soir de la nuit tu te trouves en France et que tu, Allah subhanahu wa ta'ala il est là, et que l'autre tiers de la nuit se trouve dans un endroit opposé, c'est pas possible qu'il soit là. Et là, tu vois comment les interprétations ont été faites. Voilà si Allah subhanahu wa ta'ala yafalou ma yashali khudarati. Avec sa puissance, il fait ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sa volonté, il fait ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, je vais vous donner. Malak al-Mous. Malak al-Mous. Et non pas Azraïl, comme le vol à Azraïl. C'est pour ça que les gens disent « Nous, mais le Kanouk, c'est Azraïl ou l'Azraïl. » C'est un khata. « Que sunna al-mutahara, la yujib hadithul bakara isma Azraïl. » Tous les hadiths qui parlent de Malak al-Mout, c'est Malak al-Mout. Le Coran, c'est d'ailleurs. Le Coran, je vais expliquer mon frère. Le Coran, quand il parle de l'ange de la mort, Malak al-Mout, l'ange de la mort, il n'a pas donné de nom à cet ange-là comme il a donné un nom, par exemple, à Jibril. Jibril, Michael, Israël, ce sont des noms d'anges. Malak al-Mout aussi, c'est un ange. En bas dans le Coran, on retrouve Malak al-Mout, il n'y a pas de nom. Le Hadith, c'est la même chose. Le Hadith, on retrouve Malak al-Mout, il n'y a pas de nom. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire que Malak al-Mout, il n'y a pas de nom. Nous, on le connaît sous le nom de Malak al-Mout. Voilà. Ceux qui disent c'est Azraïl ou l'Azraïl, c'est des mensonges. Malak al-Mout. Malak al-Mout. Qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malak al-Mout, c'est quoi? Une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut prendre la vie de personnes dans un endroit en même temps dans un autre en même temps. Il peut prendre la vie de centaines de personnes, de milliers, de dizaines de milliers en Inde, et en même temps, au moment où il le prend ici, il le prend en Amérique. C'est une créature. Alors qu'est-ce qu'on doit dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois? C'est une créature, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la puissance de pouvoir faire ça et ça en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, quand lui il vient nous dire, mais alors, s'il est ici à ce moment-là, est-ce qu'il peut être à cet endroit au même moment? Alors comme lui il n'accepte pas de construire ça, ils vont t'interpréter, ils vont te dire non, que nos os, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Voilà, une interprétation rapide. Qui un jour, une seule fille umma parmi les sahaba, radiallahu anhu, mais les tabirines, la tabirine, on dit que, qu'est-ce que ça voulait dire? Un nozoul, ça voulait dire que c'était la miséricorde d'Allah qui descendait. Personne. Allah, il a dit, viens, viens. Allah, son frère, il a dit, descend. Ça m'est fait que la descente d'Allah, c'est ça. Comment les autres descendent? Allah, vous a'lam biha. Walakin, kema yaliqu bihi. On ne sait pas comment elle se fait cette descente, mais elle est faite selon la position d'Allah qui est là. Qui m'a fait beaucoup de vie. sur l'humour, on s'entoure le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit que la meilleure des actions, c'est celle qui est choisie dans le juste milieu. Pas trop, on ne fait pas des excès, mais on n'exige pas non plus. Sur l'humour, on s'entoure le juste milieu. Dans chaque chose. Et c'est ça, après d'être un sunnah sur le jama'a. Ils ne font jamais trop et ils n'exigent pas. Il faut corriger, exactement. Il faut corriger, oui, bien sûr. Donc, dans le jeu, c'est, il faut dire qu'Allah est sur le ciel. Au-dessus. Au-dessus. Et maintenant, en français, parce qu'en français, il faut le comprendre. Est-ce que sur, ça veut dire au-dessus, sur, ou c'est sur une chose. Automatiquement, ça veut dire au-dessus. Mais nous, pour que ça soit clair dans les esprits des gens, que ça soit au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas. Pourquoi j'accepte pas non plus sûr? Je veux dire pourquoi j'accepte pas sûr. Sûr. Mon stylo est sur les feuilles là. Voilà pourquoi j'accepte pas. Mon stylo est au-dessus. Vous avez compris maintenant pourquoi j'accepte pas sûr? Sûr, il est rattaché. Comme si on dit qu'Allah est sur le sol, c'est qu'il est attaché au ciel. Et Allah n'est pas attaché au ciel. Il est au-dessus. D'accord? Vous avez compris maintenant la connotation de sûr? Fouqa, il est au-dessus de toute chose. Et même du ciel. D'accord? Donc quand on dit sur le sol, c'est ça sur le ciel. Au-dessus du ciel, c'est ça. Mais quand on dit on a planté et partout, tout ça, c'est pas même de mes sens. Non. C'est une parole. Non. Parce qu'il faut préciser. Si tu dis qu'on a planté et partout, tu te tais, tu es fautif. Tu es fautif. Et en même temps, tu n'es pas fautif. Tu es gentil, en même temps, tu n'es pas fautif. On est en train de faire un gap. Alhamdulillah, vous connaissez tous votre aqidah. On a appris les bases de la aqidah. On a appris notre croyance parfaitement. On va passer à l'étape supérieure. Une fois qu'on termine ce livre-là, on va faire un livre un petit peu plus volumineux et plus complexe. On va rentrer maintenant dans des détails qu'on n'avait pas auparavant. Un exemple. Je vous traduis un texte et je vous dis que Allah est là. Que c'est pas dit, toi? Oui, partout. Voilà. Je vous traduis, je vous dis que Allah est partout. Vous, automatiquement, vous allez savoir, parce qu'on a fait déjà le bas de la raqida. Vous me connaissez, je vous connais. Je vous dis qu'Allah est partout. Vous, dans votre tête, comme dans la mienne, ça va faire 6. Ah, il dit qu'il est partout, mais il n'a pas dit qu'il est partout par conscience. Parce que vous savez que Allah est avec nous partout avec patience. Et que moi, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu as affaire à une personne qui sait cette chose-là, et que tu dis qu'il est partout, et que c'est toi que tu es obligé de dire avec patience, ou que tu n'as pas voulu le dire parce que maintenant, ça y est, c'est rentré dans les esprits, et on sait que, alors, ça parlait des partout avec patience, que j'ai pas obligé, je suis pas obligé de le dire. On est d'accord avec ça, d'accord? Mais si maintenant, tu es dans une assemblée, ou tu veux faire vers moi, et tu parles avec des gens qui, eux, n'ont aucune base à rentrer là, il ne faudra pas que tu dises, alors, il est partout, et tu te fais. Parce que eux, ils vont comprendre quoi? Ils vont pas comprendre qu'il est partout avec sa science, avec sa puissance, sa grandeur, mais ils vont comprendre qu'il est avec nous, avec son essence, les vertiges. Donc toi, quand tu veux savoir, tu dis que Allah, il est partout, avec sa science, mais il mérite. D'accord? Là, tu penses m'enregistrer, non? Allez. Même si on commence pas le cours, c'est aussi une course qu'on est en train de faire. C'est le cours de révision et tout. Et hier, j'étais en train de réviser pour le cours d'aujourd'hui. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit franchement, j'étais une bête dans ma tête. J'ai préparé le cours, mais je ne le préparais pas correctement. Donc ça ne me gênerait pas de... Si, je pourrais le faire. Je vais le faire, ça, je pourrais pas faire. Mais tu sais, quand c'est perturbé par des événements de l'art, je dis, Allah, Alhamdulillah, on n'adore pas les chefs, nous. On n'adore aucun chef, on adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est pas meilleur que le prophète par Allah. Mais il a qu'un atout kabira, inshallah, indallah. Mais il a une place. Mais un Allah, voilà, comme nous, c'est la hada qui nous relie avec ce ulama. Surtout quand ils sont dans le chemin droit, l'un des choses. La deuxième des choses, c'est que le prophète, alayhi salam, il a dit un hadith qui est sahih, et on revient pas dessus. C'est que, après les prophètes, ce sont les ulama. Pourquoi? l'ulama pour la tabli anbiya, qui sont les héritiers des prophètes. Ils héritent la même science que les prophètes. La seule différence entre le alam et le prophète, c'est qu'elle est sous forme de révélation, de wahi. Le prophète, c'est une révélation directe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le ulama, non. Ils héritent de cette science-là. Donc tu vois, ils ont le même pied d'égalité que les prophètes. C'est travail d'éducation, tarbiya, c'est très facile. Donc nous, on fait de la peine, parce que c'est vrai que quand un alim s'en va, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. C'est l'alim qui s'en va avec lui, subhanallah. Malgré qu'il ait laissé des livres. Il n'a pas laissé tout ce qu'il avait dans sa tête. Malgré qu'il ait dit ce qu'il ait dit. Malgré qu'il ait écrit ce qu'il ait écrit. Mais tout ce qui est dans sa tête n'a pas été... Tu vois? Ah oui, on fait la fête. Moussadiha, les innovateurs. Ah, ça va être la fête au village maintenant. Alors, Moussadiha. Ah, quand je pense à ça, je dis, ah, ils vont être contents. Ah, ils vont dire, alhamdoulilah, la pierre dans la chaussure est partie. Mais c'est pas qu'il a laissé pas qu'une seule pierre dans les chaussures. Ils le savent pas, ça. Le ménage des plus prédécesseurs, avec lui, il va se servir. Allah s'en parle là, il est en train de se faire. Le prophète Mohammed, quand il est décédé, Omar ibn Khattab, il n'a pas cru à la mort du prophète. Il commence à pleurer comme une madeleine. Il pleure, il ne croyait pas que le prophète allait faire la chose de la vie. Il ne croyait pas. Il n'a pas accepté. Il a dit, celui qui dit que le prophète Mohammed, il est mort, il touche la tête. Omar, c'est ça. C'est ça, celui qui fait la part des choses entre le vrai et le faux. Il y a ça. On voit qu'il s'est dit dans le haut. Ah, ça me l'a mort. C'est la place qu'on s'est dit là. Quand il est rentré, il ne faut pas parler de sa famille, il était rangé comme ça, il était couvert. Il y avait les membres proches de sa famille. C'était là. Il a enlevé la couverture comme ça, les draps qui étaient sur le prophète. Il a vu comme ça. Il était triste, il a pleuré d'ailleurs. Puis il l'a embrassé. C'est super. C'est très très dur. Le prophète. Dans la grotte. Pour le prophète, enfin, il reconnaît tout. Le jour où il a dit la shahada devant les gens, ils sont venus, ils l'ont frappé, ils ont déformé le visage. On ne reconnaissait plus c'était qui cet homme qui était là. Radiallahu anhu, qu'est-ce que dire ? Sa sœur est venue, elle a regardé les mains. Elle a reconnu Abou Bakr al-Siddiq, pourquoi ? Par rapport à ses doigts. Et ils l'ont pris. Après, quand il s'est réveillé son profond coma, tu vois, qu'est-ce qu'il a dit ? Quand ils ont posé la question, ça va ? Comment ça va ? Ça va bien ? Comment va Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam ? Comment va le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit, comment on regarde dans les états ? Mon état, je m'en fous de mon état. Le prophète, Mohammed, comment il est en sécurité ? Ils ont dit, ouais. Rajat al-Rah. Alhamdulillah, il était content. Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin d'une certaine somme d'argent pour préparer une bataille. Omar Rabi Ranhu, il est venu avec la moitié de ses biens. Le prophète Allah lui dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi ? Il a dit, voilà, ya Rasulallah, je l'ai passé la moitié de mes biens et j'ai laissé notre moitié chez moi. Il a fait, ahsan, c'est bien ce que tu as fait. Moi, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il est venu avec tous ses biens. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé, ya Rasulallah ? Donc j'ai laissé Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rien laissé chez moi, que Allah et son prophète. Il a dit que l'imam de Abu Bakr avec l'imam de la communauté entière dans un plateau. Comment ça ? On ne pourrait pas. Après, quand Abu Bakr s'est il a vu ça, il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a respiré un bon coup comme ça, il est sorti. Il y avait les sahaba, il y avait Omar parmi qui pleurait tout le monde. Il a calé, même blessé l'islam. Il a fait son prêche. Et dans son prêche, il a dit. Le prophète Mohammed est mort. Que celui qui adore le prophète Mohammed est mort. Que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah hayyun la yamut. Allah les vivants leur part. On n'adore pas les gens, on aime les gens. Celui qui doit être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Albani Hafidahullah, rahmahullah, on aime. Il est l'ulama et l'al-kibar. Il a toute sa vie. Pour qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on est connu, il a été la course pour qu'on ait connu le ménage de ses prédécesseurs. C'est l'un des premiers qui a battu le da'wa salafia, c'est l'Ummah. C'est l'un des premiers qui a eu le courage ouvertement de parler de ménage salafi. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Othaymin, tous les ulama, tous les gens qui l'ont connu comme ça, ils parlaient le tout ouvertement. Ils allaient doucement. Doucement. Il connaissait le manège salafi. Il s'est dit doucement. Lui, il est venu, il a prêché directement vers le manège d'Ara salafi. Pour qu'après les autres, ils ont suivi. Tu vois ? Regarde le stade de cet homme. Moukhtiba de Bukhari Zaman. Tu sais comment il a été appelé, Cheikh Al-Albani, un de ses surnoms ? Bukhari Zaman, le Bukhari de notre époque. Bukhari Al-Asr. Et après, il y a des gens qui ont dit « Qui est l'Albani qui ose vérifier les hadiths de Bukhari et de Muslim ?» Quoi que de chez l'ailleurs, c'est celui qui n'a rien à dire ou n'a rien à donner, il ne peut rien donner. Les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas sur cet homme-là. Ils ne connaissent pas. Ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas son travail. S'ils avaient su ce qu'il avait fait, ils n'auraient pas parlé. Mais en général, les gens qui parlent comme ça, c'est par jalousie, c'est par haine. Ils n'acceptent pas la vérité. Parce que la vérité, elle est amère, la vérité. Si je viens en face de quelqu'un, je lui dis de quelle vérité en face. Quand tu veux l'accepter. C'est dur parce que c'est la vérité, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Comme je vous ai dit la dernière fois, quelqu'un évoque quelque chose, alhamdoulilah, Allah très barré, il va revenir dans le chemin, mais il a toujours cette chose-là. C'est difficile d'aller la ramener. Ou bien autre chose, s'envoler. Voilà, un al de Khadr, j'ai parlé sur Ali, je suis allé comme ça, comme ça, comme ça. Une chose mauvaise. Après, en ce temps, regarde comment j'ai parlé du frère Ali, ça se fait pas et tout. Quand tu es en train de donner, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut que j'aille prendre le frère Ali, je lui dis voilà ce que j'ai dit sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Maintenant, si tu veux me pardonner, tu me pardonnes. C'est facile de toute façon. C'est difficile, les frères. Va parler sur quelqu'un alors qu'il pense du bien de toi. Il pense du bien. Et toi, t'es en train derrière de gata, gata, gata. Après, quand tu viens là, tu dis voilà ce que j'ai dit. Regarde comment il va te voir après. Lui, tu t'es primé et tout ça, et regarde comment il va te voir. Mais toi, tu fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, tu te regardes pas ce qu'il y a entre toi et lui. Regarde là. Mais toi, tu as enlevé ce fardeau qui est sur ton dos. Et vaut mieux l'enlever dans ton lien que de l'enlever là-haut. En Rabbi subhanahu wa ta'ala. Pas facile. On voit les gens qui parlent de certaines personnes, c'est qu'ils ne connaissent pas ces hommes-là. Ils ne connaissent pas. Les soufis, ils ont la haine. Et maintenant, ça va être la fête, ça va être content. Pourquoi ? Comme Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il a refusé de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la péninsule arabe, c'est le Jazirat al-Arab, il y avait du shirk. Tu tournes à droite, shirk. À gauche, shirk. Tu regardes en haut, shirk. En bas. Non, tu vas shirk, déjà. Les adorateurs des tombes. Ils adoraient les tombes. Ils demandaient aux morts. Ils faisaient savoir. Sacrifice pour les morts. Quand ils juraient pas par le nom de leur mort. Mais ils préféraient par le nom d'Allah que leur mort. Quand tu lui dis, Ahmed, vas-y, jure-moi que ça fait ça. Il va te dire, Wallah. Il dit, non, jure-moi par son cher qui est mort. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Lui, il jurait par Allah et il ne jurait pas par leur mort. Subhanallah. Ou quand tu dis, quand tu veux penser par leur mort, avec une vérité, ils acceptaient ça. Alors, non, ils n'ont pas accepté la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, ils n'ont pas accepté. Ceux qui l'ont accepté, alhamdoulilah, il y en a qui l'ont combattu. Ah ben c'est pareil à l'époque où nous vivons. C'est pareil à l'époque où nous vivons. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené quelque chose de nouveau? Il n'a rien ramené de nouveau. Il a refait vivre une sunna. La sunna, quand j'ai une sunna, c'est de la sunna en enfer. Il y a des choses qu'on découvre avec Cheikh Al-Bani, et pas que lui. Mais lui, c'était la cause, si tu préfères. C'était l'étincelle qui a fait démarrer le reste. En bas, tu apprends des choses, subhanallah. Puis tu dis, mais attends, ça fait quoi la sunna? Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je prie, que je suis dans la religion, je ne connaissais pas ça. Des petites choses que... Pourquoi? Parce que celui qui travaille dans le hadith, il est plus proche de la vie du prophète Mohammed que celui qui ne travaille pas dans le hadith. Il est en contact direct avec la vie du prophète Mohammed. Voilà, j'ai appris la... Ils n'ont que ça, ils l'ont... c'est la personne, ils l'ont enterré. Allez. Ça, quand ils m'ont dit ça, ça m'a rappelé du prophète en Israël, qui dit que le musulman, tu vois, la roche du mu'min, quand elle décède, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quand des mouris, dépêchez-vous, amenez-moi à votre demeure éternelle. Parce que le sujet, ça y est, il est retiré. Et il voit. Ce que Rasul Allah lui a réservé. Mais Inch'Allah, c'est ce qu'on pense de Cheikh Al-Albani. Inch'Allah. Après, il est mort maintenant. Et bien, à mon avis, il a dû recommander avant de mourir. Il a dit, si je meurs, il faut faire ça, c'est impossible. Il n'y a pas de me laisser dans le frigide. C'est comme ça. Il m'en a fait une dans une morgue ou dans le ciel, c'est le corps, surtout dans les pays chauds, ça se détériore rapidement. Encore quand il fait chaud, ça se détériore rapidement. Alors tu dois le mettre dans la mort, dans le congélateur, pour pas que le corps il commence à dîner, ils vont attendre que les gens viennent le voir. Il n'y a pas ça dans la sunna. La sunna, la personne elle est morte, on est sûr qu'elle est morte, c'est pas une crise ou la hajjadek. On est là, dans l'hôpital, dans le puis on l'enterre. C'est ça la sunna du prophète. Ah, c'est les gens quand ils veulent partir, ils veulent venir dire des bonnes paroles à la famille, ça n'est pas de problème. Il y a 3 jours pour le faire. Après 3 jours c'est fini, chacun fait sa vie. Il est mort maintenant. Il a la roche taïba, inshallah. Rahim Allah, rahmat nawasi, inshallah. Et oui. Lui, il est vrai, il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'on vous dit accrochez-vous, les frères? Accrochez-vous. Il a laissé des livres, il a laissé des cassettes. Il a laissé une génération. Il a laissé des professeurs, des élèves. Et il a laissé quelque chose. Finalement, lui, il est mort, son livre est toujours ouvert. Son livre de Hassanatif. Toi, t'es ici, tu es en train de parler de livre de Cheikh Al-Albani, puis lui, il est mort, et puis après, ça fait naître. Là, quand je vous dis, apprenez pour laisser quelque chose après votre mort. Pour laisser quelque chose. Même si la sunnah comme Hassana, celui qui fait une bonne action et qui la laisse, et quelqu'un limite dans cette bonne action-là, il en sera récompensé. Toi, tu meurs et tu es récompensé. C'est pour ça qu'il faut, s'approcher. Il faut s'approcher. On a trop perdu de temps, trop. Tout le temps on perd du temps, tout le temps on dit la même chose. Il faut mettre en application. Et ça, ça se met l'alama de Sarah à la perte des ulama. La perte du ulama. Ça se met l'alama de Sarah, ça va être partie de la fin des temps. Regarde, déjà, un des grands signes de la... Pas un grand signe, mais un des signes qui est ce qui se passe là. Il y a Alamat al-Sughra ou Alamat al-Kubra. Alamat al-Sughra, ce sont les petits signes de la fin du temps. Et après, il y a Alamat al-Kubra. Alamat al-Sughra, on les vit. Oui, on les vit, on est dedans. Tous les petits signes, on les vit. Après, il y a Alamat al-Kubra. Alamat al-Kubra. Il y a d'autres ulama, ils ont fait un sharah intermédiaire. Ils ont dit Alamat al-Wusta aussi. Les signes intermédiaires entre le Sughra et le Kubra. Tu vois? Là, on est en train de passer dans la transversion de Alamat al-Wusta. Et on arrive à la fin de Alamat al-Wusta. On arrive à la fin et on arrive au début de Alamat al-Kubra. On arrive au début, donc, des grands signes de la fin du temps. Je vais vous donner un des grands signes de la fin du temps, mais. Alal Adwab, tu vois, كثرة الزلازل l'augmentation du tremblement de terre en Turquie 15 jours après la Grèce 15 jours après c'est revenu en Turquie il n'y a pas longtemps Taïwan avec plus de 2 500 morts et c'est pas fini encore il est revenu en Turquie il s'est revenu en France j'ai pas entendu l'explication et combien de l'Italie je connais le Japon, je crois, il y avait un... Vini, ouais, ça y va. Tornade, tornade du Japon. Non, mais c'est ça, mais tout ça, c'est une ramène de ça. Wafat al-ulama, la mort des ulama, Cheikh Ben Baz, il y a 2 mois ou 3 mois en arrière. Rahimallah. Entre temps, il y a un autre Cheikh, on appelle Cheikh Khaled al-Ouk. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Il a fait beaucoup de livres sur l'Aqida, beaucoup de livres sur l'anima, Inch'Allah. On a pas mal de lui. Khaled al-Ouk, il est en Syrie, c'est un Syrien. C'est la fille de Menhaj, mashallah. Et ça fait pas mal, ça va pendant les vacances, il est mort. C'est pour moi du doute, là. Et là, maintenant, Cheikh l'Albani. Avant ces deux-là, il y avait un Cheikh, on appelle Cheikh. Il s'appelait Cheikh Saïd El-Boustani. C'est aussi un grand Cheikh en Syrie. Il est décédé aussi. Chez lui, quand on était là-bas, il faisait l'Aqida Tahawiyya, Cheikh l'Aqida Tahawiyya. Il a laissé des livres aussi, il a laissé pas mal de choses, mashallah. Et les ulama, ils s'en vont comme ça. C'est ça que je peux t'accrocher. Donc on disait, pour revenir vite fait, alors la femme du musulman, attends, là, voilà, ça. Elle a plusieurs explications qui l'ouvrent l'arabia, dans la langue arabe. Ou tu vas la traduire par « dans », ou tu vas la traduire par « sur ». C'est un point très très très important. Ou tu vas la traduire par « dans », ou tu vas la traduire par sûr. Quand est-ce que tu vas la traduire maintenant par dans et quand est-ce que tu vas la traduire par sûr? Ça, quand je vous dis, apprenez la langue arabe, vous allez voir que la langue arabe, elle a besoin d'ouvrir des portes qui étaient fermées pour comprendre le Coran et pour comprendre le hadith. Parce que quand tu vas dire Fistana, si tu n'as pas la langue arabe, tu vas traduire automatiquement état de l'océan dans le ciel. Et ça, justement, c'est la traduction que tout le monde en général, la plupart, pas dire tout le monde, mais la plupart traduit dans le ciel. En bas, c'est faux. Si, quand on parle de système pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Allah, uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire sûr. Mais quand, je te laisse pas faire le hakim, mais quand tu traduis système pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le ciel. Un exemple, les oiseaux volent dans le ciel. Yatiru al-hamal système. L'oiseau vole dans le ciel et non pas sur le ciel. Faut bien vous comprenez cette annotation. Si, quand elle est introduite avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sur au-dessus d'eux. Mais quand c'est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire dans. D'accord? Alors ici, quand il traduit ce sujet-là, où est Dieu? Il est sur le ciel, assis sur le trône. Bien sûr, ça peut vouloir dire aussi au-dessus. Mais là, ce qui nous dérange, c'est sur le assis. Jamais quelqu'un a traduit par l'Istiwa et le Jouloos. Si ça avait été le Jouloos, on aurait dit assis. Mais là, non. L'Istiwa, il y en a, il ta'ala. C'est élevé. Au-dessus d'eux. Donc c'est pour ça que même quand on te dit établir, c'est la traduction qu'on trouve dans le Mastrap qui a été revu, corrigé par la Révolution du. Ça veut dire que tout ce qui est mis à l'intérieur, comme traduction, je dis, ou comme essai de traduction, ce sont que des essais, ça soit juste. La traduction la plus appropriée pour l'Istiwa, c'est s'élever au-dessus d'eux. On le sait que Allah s'élever au-dessus fort, comme l'Akhlouqatihi, Kullaha. Il est au-dessus de toutes ces créatures. Ou l'Arsh, le trône de l'Arsh. C'est une création ou là? Donc si c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est automatiquement au-dessus. Et on a dit « Kullu ma siwa Allah fa huwa makhluq » qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un makhlouq. C'est qu'on peut revenir dessus. Mais on peut très bien se dire la question de Jésus, mais tout. Qui nous dit que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est makhlouq. Alors le Coran, il est makhlouq alors. Mais le Coran, c'est ce qu'on a dit. On a dit que le Coran, c'est que l'amullah, ou le kalam, c'est ça. Ou c'est ça. D'accord, quel est l'Allah, c'est quoi? C'est une qualité, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un créé, c'est le makhlouq. Pourquoi? Parce que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la baisse. Ce sont des points du aqidé qu'il faut connaître et on revient tout dessus. C'est bon, ça c'est un rappel. C'est un rappel, d'accord les frères? Il y avait ça, sinon il y avait aussi une autre chose que j'avais vue. Baisse, c'est l'essence, on va traduire par l'essence. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire le corps. Le corps est accepté que pour le bachar. Donc, par respect envers la chambre, on dira bête. Mais bien sûr, même si on se permet de dire le corps, on sait une chose que ça ne sera pas un corps comme un corps du genre humain. Parce que la chambre, ce qui dit dans le Coran, là, il fait que nous les Donc, si on accepte de parler de la main, si on accepte de parler du visage, si on accepte de parler de la jambe, on peut accepter de parler du corps, sachant très bien que ce n'est pas un corps comme le nôtre. Subhanallah. Tu vois, la règle est toujours la même. Une fois que tu connais la règle, tu peux l'approprier partout. Alors, tout à l'heure, il a parlé de main. Alors, il a parlé de visage. Là, il a parlé de yeux. Alors, il a parlé de jambes. Tu vois? Non, c'est une chose, c'est que ces choses-là ne ressemblent pas aux nôtres. Quand il a dit dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala avec nous bi'ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana bi'ilmihi. Il n'est pas avec nous bi'ilmihi, avec son essence. Allah subhanahu wa ta'ala actuellement il est avec nous bi'ilmihi, avec conscience. Alors cela il nous voit, il nous entend. Il est présent parmi nous avec conscience. Et non pas avec son essence. D'accord? C'est aussi pour la même. Il y a des fois des gens, ils vont. Pourquoi ils font des interprétations? Pourquoi ils font des interprétations? Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir, ils n'arrivent pas à accepter que par exemple, quand il y a un hadith où le prophète a dit, et ce hadith-là il est sahih, quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une vidéo. Il a semé d'une sécurité à l'œil. Dans le dernier tiers de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le semé d'une. Celui qui a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce. Celui qui demande le pardon, là il le pardonne. Celui qui. Il a appelé le hadith. Mais là, ils ont interprété, ils ont dit, mais alors attends, si le tiers de l'année, tu te trouves en France et que tu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et que l'autre tiers de la nuit se trouve dans un endroit opposé, c'est pas possible qu'il soit là. Et là, tu vois comment les interprétations ont été faites. Et là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le mari sur le feu de la piste. Avec sa puissance, il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sa volonté, il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, je vous donne. Malak al-Mout. Malak al-Mout. Et non pas Azraïl, comme le vol à Azraïl. Des fois, les gens disent nous, mais nous, c'est Azraïl ou Azraïl. C'est un C'est sunna al-mutahara. La yujid hadith dakara isma Azraïl. Tous les hadiths qui parlent de Malak al-Mout, c'est Malak al-Mout. Le Coran, c'est d'alik. Le Coran, je vais expliquer mon frère. Le Coran, quand il parle de l'ange de la mort, Malak al-Mout, l'ange de la mort, il n'a pas donné de nom à cet ange-là comme il a donné un nom, par exemple, à Jibril. Jibril, Michael, Israfil, ce sont des noms d'anges. Malak al-Mout aussi, c'est un ange. En bas dans le Coran, on retrouve Malak al-Mout, il n'a pas de nom. Le Hadith, c'est la même chose. Le Hadith, on retrouve Malak al-Mout, il n'a pas de nom. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire que Malak al-Mout, il n'a pas de nom. Nous, on le connaît sous le nom de Malak al-Mout. Voilà. Ceux qui disent ça, Azraïl ou la Azraïl, c'est des mensonges. Malak al-Mout. Malak al-Mout. Qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malak al-Mout qui est quoi? Une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut prendre la vie de personnes dans un endroit, en même temps dans un autre en même temps. Il peut prendre la vie de centaines de personnes, de milliers, de dizaines de milliers en Inde, et en même temps, au moment où il les prend ici, il les prend en Amérique. C'est une créature. Alors qu'est-ce qu'on veut dire d'Allah? Tu vois? C'est une créature. créature, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la puissance de pouvoir faire ça et ça en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, quand lui, je me dis, oui, mais alors, s'il est ici à ce moment-là, est-ce qu'il peut être à cet endroit au même moment? Alors comme lui, il n'accepte pas de construire ça, ils vont t'interpréter, ils vont te dire non, que nos os, c'est la miséricorde d'Allah sur le moment qui descend. Voilà, une interprétation un peu. Qui un jour, l'une seule fille Umma parmi les Sahaba, mais le tabirin, la tabirin, on dit que, c'est ce que ça voulait dire, un nozoul, ça voulait dire que c'était la miséricorde d'Allah qui est descendue. Personne. Allah, il a dit une deux. Allah, c'est ça, il a dit descend. On espère qu'il descend par Allah, c'est ça. Comment les autres descendent? Allahu a'lam biha. Walakin, kama yaliqu bihi. On ne sait pas comment elle se fait cette descente, mais elle est faite selon la position de la fatale qu'il a. Qui m'a tenu compte? Sur le humour, on s'entoure à le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il a dit que le meilleur de la chose, c'est de se faire dans le juste milieu. Pas trop, on ne fait pas des effets, mais on n'oblige pas non plus. Sur le humour, on s'entoure. C'est juste milieu. Dans chaque chose. Et c'est ça, après d'être un peu sur le jama'a. Ils ne sont jamais trop et ils ne négligent pas. Il faut corriger, exactement. Il faut corriger, oui, bien sûr. Il faut corriger, c'est qu'il faut dire que Allah est sur le ciel. Au-dessus. Et maintenant, en français, parce qu'en français, il faut le comprendre. Est-ce que sur, ça veut dire au-dessus, sur, une chose qui est sur une chose. Automatiquement, ça veut dire au-dessus. Mais nous, pour que ça soit clair dans les intelligences, ça soit au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas. Pourquoi j'accepte pas non plus sur? Je veux dire pourquoi j'accepte pas sur. Sur. Mon stylo est sur les feuilles. Voilà pourquoi je ne sais pas. Mon stylo est au-dessus. Vous avez compris maintenant pourquoi je ne sais pas sur? Sur, il est rattaché. Donc si on dit qu'on va parler sur le sol, c'est qu'il est attaché au ciel. Et alors ça n'est pas attaché au ciel. Il est au-dessus. D'accord? Vous avez compris maintenant la connotation du sur? Oh, ah, voilà, couché. Donc, il est au-dessus de toute chose, et même du ciel. D'accord? Donc, quand on dit sur le sol, c'est ça, sur le sol. Au-dessus du sol, c'est ça. Et quand on dit, on a planté les partout, tout ça, c'est un même demi-sens. Non. C'est une parole. Non. Parce qu'il faut préciser. Si tu dis qu'on a planté les partout, tu te dis, tu es fautif. Tu es fautif. Et en même temps, tu n'es pas fautif. Tu es gentil, en même temps tu n'es pas fautif. On a fait un bap. Alhamdulillah, vous connaissez tous votre aqidah. On a appris les bases de la aqidah, on a appris notre croyance parfaitement. On va passer à une étape supérieure. Une fois qu'on termine ce livre, on va faire un livre un petit peu plus volumineux, plus complexe. On va rentrer maintenant dans des détails qu'on n'avait pas auparavant. Un exemple. Je vous traduis un texte et je vous dis que Allah sur là. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Oui, partout. Voilà, je vous traduis, je vous dis que Allah il est partout. Vous, automatiquement, vous allez savoir, parce qu'on a fait déjà le bas de la raconte. Vous me connaissez, je vous connais. Je vous dis que Allah il est partout. Vous, dans votre tête, comme dans la mienne, ça va faire 6. Ah, il dit qu'il est partout, mais il n'a pas dit qu'il est partout par conscience. Parce que vous savez que Allah s'en parle avec nous partout, avec patience. Et que moi, je le sais. C'est ce que je veux dire. Donc, quand tu as affaire à une personne qui sait cette chose-là, et qui dit qu'il est partout, et qu'il se peut que tu es obligé de dire avec patience, ou que tu n'as pas voulu le dire parce que maintenant ça y est, tu es rentré dans les esprits, et on sait que, alors si on parlait des partout avec patience, que j'ai pas obligé, je ne suis pas obligé de le dire. On est d'accord avec ça, d'accord? Mais si maintenant, tu es dans une assemblée, ou tu veux faire vers moi, et tu parles avec des gens qui, eux, n'ont aucune base en rappel, il ne faudra pas que tu dises, alors il est partout et tu te sais. Parce qu'eux, ils vont comprendre quoi? Ils vont pas comprendre qu'il est partout avec sa science, avec sa puissance, sa grandeur, mais ils vont comprendre qu'il est avec nous, avec son essence, les bêtes, ils. Donc ça, quand tu le fais, là, tu dis que Allah Khaled, il est partout, avec sa science, les humilis. D'accord? Là. que tu penses manger quoi, alors oui. Manger. Même si on commence pas le cours, c'est aussi un cours qu'on est en train de faire. C'est pour la révision et tout. C'est hier, j'étais en train de réviser pour le cours d'aujourd'hui. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit franchement, j'étais une bête dans ma tête. J'ai préparé le cours, mais je vais préparer ça correctement. Donc ça ne me gênerait pas de. Si je pourrais le faire. Je pourrais le faire, ça, je ne peux pas faire. Mais tu sais, quand c'est perturbé par des événements noirs, puis Cheikh Noir, Rahmanallah. Alhamdulillah, on n'adore pas les Cheikh Noirs. On n'adore aucun Cheikh, on adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a une place. Mais il a une place. Mais en Allah, voilà, finalement, c'est Mahabba qui nous relie avec ses ulama. Surtout quand ils sont dans le chemin droit, l'un des choses. La deuxième des choses, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien un hadith, qui est sahih, et on reviendra dessus. C'est que, après le prophète, ce sont les ulama. Pourquoi ? العلماء ورثة الأنبياء هم الزيريكي بالقفات يزيريك لا même science que les prophètes. La seule différence entre le alam et les prophètes c'est que elle est c'est sous forme de révélation de wahy. Le prophète c'est une révélation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama non, ils zirikent de cette science là, donc tu vois ils ont le même pied d'égalité que les prophètes. Travail d'éducation, tarbiya, c'est super facile. Au genou, ça nous fait de la peine parce que c'est vrai que quand un alim s'en va, c'est toute une bibliothèque d'historien. C'est l'alim qui s'en va avec lui, subhanallah. Malgré qu'il ait laissé des livres, il n'a pas laissé tout ce qu'il avait dans sa tête. Malgré qu'il ait dit ce qu'il ait dit. Malgré qu'il ait écrit ce qu'il ait écrit. Mais tout ce qui est dans sa tête n'a pas été. Tu vois? Les Moussadia, ils sont contents aussi. Ah oui, ben ça va la fête. Moussadia, les innovateurs. Ah, ça va être la fête au village maintenant. Alors, le Moussadia. Ah, quand j'ai pensé à ça, je dis, il y en a, ils vont être contents. Ah, ils vont dire, alhamdoulilah, la pierre dans la chaussure est partie. Mais il ne sait pas qu'il a laissé pas qu'une seule pierre dans les chaussures. Ils ne le savent pas, ça. Le ménage de plus prédécesseur, avec lui, il a sans lui. Allah s'enfala et... Le prophète Mohammed s'enfala quand il est décédé, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il n'a pas cru à la mort du prophète. Il commence à pleurer comme une madeleine, radhiyallahu anhu. Il pleure, il pleure, il ne croyait pas que le prophète allait faire la chose de la vie, il ne croyait pas. Il n'a pas accepté. Mais celui qui dit que le prophète a pleuré, il est mort, il touche sa tête. Omar, c'est le salaud. Le salaud, celui qui fait la part des choses entre le vrai et le faux. La preuve. On voit que c'est bien faire de l'amour. Faire de l'amour. Faire la preuve que l'amour que c'est bien fait là. Quand il est rentré, il s'est fait aller sur la il était allongé comme ça, il était couvert. Il y avait les membres proches de sa famille qui étaient là. Il a enlevé la couverture comme ça, le bras qui était sur le prophète à l'époque. Il a vu comme ça. Il était triste, il a pleuré d'ailleurs. Il l'a embrassé. Je ne dis pas. C'est très très dur. C'est très très dur. Le prophète. Dans la grotte. Pour le prophète, enfin, il a retenu tout. Le jour où il a dit la shahada devant les gens, ils sont venus, ils l'ont frappé, ils l'ont déformé le visage. On ne reconnaissait plus c'était qui cet homme qui était là. Radiallahu anhu wa kasbir. Sa sœur, elle est venue, elle a regardé les mains. Elle a reconnu Abu Kasbir, pourquoi par rapport à ses doigts. Et ils l'ont pris. Après, quand il s'est réveillé, son propre coma, tu vois, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils ont posé la question, ça va? Comment ça va? Ça va bien? Comment va Mohammed? Comment va le prophète?